machine et nous unit. Six out. Cord. L-A-S. Je pleure ce continent à la silhouette du 9 Beretta. Éteint des lieux, l'Afrique, une terre qui ne cesse de péter. Le seum est palpable, mais on sera impitoyable à notre tour si on est unique comme leur état. Point de distinction interethnique, ouais, que du business, c'est une éthique qu'on pérenniserait. Mon wado fils d'eux qui joue les délateurs. Pour moi, c'est comme vendre un frère au colonisateur. Pour s'imaginer alliés, faudrait que nos égos combattent. Clés ne portent leur coup, cesse de me passer la pommade. J'suis dans ma trisma, j'vous laisse dans la putain de vôtre. Ta sincérité, j'y crois autant qu'en mon bulletin de vote. Parle-moi radia, tout niqué comme des automates. La tête haute pendant que les loups j'avisent les omoplates. Kevin est las dans le bain, petit peu à Saint-Ex. Avec ou sans rap, soudé comme majeur et index. Imaginez-nous unis, Moussa, Clovis. Imagine la street, l'Afrique, unie pour faire un truc unique. Mettre la France en belle tunique. J'ai qu'une idée, te montrer la preuve de tout ce que tu nies. Change de loi comme de slip, on va les mettre tout nus. On va les piller, va les piller, man. Même blanchi, je reste sale comme un billet. C'est pas compliqué, non, faut qu'on s'unisse. Tous qu'on les punisse, les ridiculise, faire des sous et les placer. C'est pas dans une bouche d'égout, que frère tu seras dégoûté de la vitre et tu manges des coups. Là tu pètes des gouttes et de la ville, écoute pas mes sons. Ray, je m'en balance. De toute façon, j'envoie des frappes plus lourdes que Zidane Clarence. Pas besoin de Maserati, pas besoin de faire le pirate. Pirate devient capitaine, crochet, j'ai le crochet de Verratti. Il pensait que j'avais des trous noirs. Mieux temps, c'est mieux pour moi. L'Afrique est disqualifiée, donc pourquoi créer des tournois? Tournois. R-E-M-E-J, Jungle City. Elle appelle la Brit, imaginez-nous unis. L'union fait la force, 2012, ça se corse. Trop d'MC sur la boîte, ça va péter comme en Corse. Unissons nos équipes et nos passés diaboliques. T'inquiète, ça sera de la balle, avec ou sans brolique. Si ils aident unis dans votre game, on fout la cisanie. Ça pose depuis des années, tu le sais, alors pourquoi tu nies? Se réunir est un début, rester ensemble c'est autre chose. J'ai les idées noires, je ne vois pas la vie en rose. J't'ai harga, c'est ta go, j'l'ai ma gars dans ma go. Tu peux rien faire, t'as beau vouloir charbonner pour le mago. C'est perdu d'avance, lâche la faire ou pousse la fonte. Il te reste un coup de flamme, vas-y pète le tag à une taf sur mon blunt. Vas-y tu veux tes goûts, les couleurs et les goûts. Change de collection, quitte mon grain. Les octaves vont follow chez moi, pas trop d'insomniacs. Vas-y mollo sur le guise. Red Just Stromart El Padre. Imaginez-nous unis, NVNC. S'unir pour vous punir, la furie pour toutes vos tueries. Sur vous jury, l'union fait la force, on finira pas sous un ferry. J'suis pas Jerry, t'es pas Tom, t'es pas terrible, t'es pas top. Une bactérie qui atterrit sur l'antidote, t'es qu'un flop. Fuck les amitiés par intérim, fuck terrim, fuck tes potes. Unis uniquement quand y'a du bif dans tes poches. Fuck tes proches qui sont subitement devenus des deux traits. C'est Strom sur confession d'un teutré. Imagine qu'on pèse, imagine qu'on pèse. 16, 31, 16, 0, 6, c'est le 6 et 6, 0, pose ton pico. Imagine que le président c'est un négro. Les ministres des picots, paro. Photo fait pas l'héros, on va te faire un truc à huis clos. Confession d'un putain de teutré. Vas-y, imagine nous soudés. Imagine qu'on embauche, qu'on lâche la débauche. Pour des fous, on se fauche. Pour des fours, on se fauche. Nah, shétan. Imaginez-nous unis et calculez votre agonie. Imagine Scarface de Tony n'a pas tué Mani. Imagine les cash-monnaies par la meuf de J-Money. Imagine la street unie, imagine l'Afrique unie. Imaginez-nous unis et calculez votre agonie. Imagine Scarface de Tony n'a pas tué Mani. Imagine les cash-monnaies par la meuf de J-Money. Imagine la street unie, imagine l'Afrique unie.